Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la naissance du mouvement surréaliste. Comme je dis très souvent, la différence entre un fou et Dali, c'est que Dali n'est pas fou. Salvador Dali peut être l'artiste surréaliste le plus connu du grand public, en tout cas, et la question qui pourtant se pose, Dali était-il un vrai surréaliste? De fait, qu'est-ce que le surréalisme? C'est en septembre 1925 que la première véritable grande exposition des peintres surréalistes est organisée à Paris. C'est le Salon des surréalistes. Patrice Loubier, vous êtes historien de l'art à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste du dadaïsme, et il y a un lien d'ailleurs, et du surréalisme. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Un mot d'abord sur cette exposition de 1925, sur l'importance qu'a cette exposition-là, ce premier grand salon surréaliste, sur le contexte dans lequel est organisé ce salon également. Ben d'abord, c'est la première exposition collective d'artistes surréalistes. En 1924-1925, il y a eu quelques expos solo, par exemple Masson, André Masson, Miro. Mais en 1925, donc, c'est la première fois où Breton rassemble, en fait, un certain nombre d'artistes de différentes générations, de différentes affiliations, dans une même manifestation, donc, qui est cette exposition intitulée « Peinture surréaliste », tout simplement. Mais c'est les débuts, donc. Et il y a toutes sortes d'événements, fondation d'une revue, un bureau des surréalistes. Mais c'est en 24-25, cette première grande expo collective est en 1925. Mais c'est dans ces quoi, deux années là où le surréalisme sort du placard. Oui, la formule est heureuse parce qu'effectivement, le surréalisme, il se préparait. En fait, dès 1919, dès les premières expériences d'écriture automatique qui sont menées par Breton et son compère, son collègue Philippe Soupeau. Et durant la période où Dada est à Paris, donc dans le début des années 20, le surréalisme est tranquillement en train de s'inventer, sans qu'on en parle. Oui. Sans même que Breton le sache nécessairement, ça se prépare par toutes sortes d'expériences. Et c'est vraiment en 1924, avec un certain nombre de jalons absolument fondamentaux, comme la rédaction, la publication du fameux manifeste du surréalisme, avec aussi l'ouverture de ce bureau de recherche surréaliste, qui est un peu moins connu, mais grâce auquel les surréalistes se donnent pignon sur rue. Alors ça, c'est absolument fondamental. Le surréalisme, c'est pas uniquement, et c'est pas d'abord une production esthétique, littéraire ou artistique, c'est un ensemble d'activités. C'est un moyen de connaître le fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement du cerveau humain. Ce qui nous amène à cette grande question, Patrice Loubier, qu'est-ce que le surréalisme? Je vous propose là-dessus, justement, vous en parler, oui. André Breton, l'écrivain français, qui est un des pères du surréalisme, extrait d'une entrevue. Il donne sa définition du surréalisme en 1961. Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée. C'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le surréalisme dicté, Patrice Loubier, dicté de la pensée en dehors de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale, quand même, avec le recul, ça peut étonner. Donc, une manière de penser, une manière de vivre avant d'être une quête artistique, un style, un mouvement artistique. Voilà, et ça, c'est extrêmement important et ça permet, en fait, de relier le surréalisme à toutes les autres avant-gardes historiques hein, qui se développent dans les années 10 et 20, qui ont toutes ou à peu près toutes cette ambition-là de transformer le monde, de changer la vie, de faire en sorte, au fond, que la production artistique, la recherche artistique soit un moyen plus qu'une fin. Alors, les surréalistes... C'est l'idée révolutionnaire là, qui est en cause, oui, en quelque absolument, sorte. Oui, absolument, absolument, absolument. Il y aura d'ailleurs un flirt assez complexe, assez tortueux entre le surréalisme et le Parti communiste oui. français. Donc avec... Et ça posera, ça c'est un autre chapitre de l'histoire du surréalisme, mais c'est toute la difficulté pour des créateurs artistiques de s'affilier à un programme tout de même assez rigide, mm-hmm. hein, qui est celui du Parti communiste. Et en même temps qu'il y a cette volonté de se libérer, hein, en même temps qu'il y a cette idée d'aller en quête donc d'une dictée, hein, de la pensée aussi, de trouver au fond la pensée à son état natif. Mm-hmm. Hein. En même temps, on le voit bien dans cet extrait de Breton, à quel point c'est rigide et doctrinaire. Hein. Il ne faut pas faire dans le beau. Si un texte est trop littéraire, il va être rejeté. Il ne faut pas faire esthétique, trop esthétique, en fait. Absolument, absolument. Donc, s'éloigner de l'académie, de tout ce qui peut être code. C'est ça, c'est ça. Donc, il y aura, par exemple, cet épisode 1924-1925 où Aragon a presque terminé un roman, Défense de l'infini. Et les surréalistes, Breton en tête, évidemment, lui interdisent de publier ce roman parce que, sous prétexte qu'il céderait à la littérature. Mmh. Hein, donc, c'est un mouvement, et ça aussi, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, il y a une belle contradiction là-dedans. On connaît surtout, peut-être, le grand public, ceux qu'on associe les peintres, au fond, qu'on associe au surréalisme. Dali, évidemment, qu'on entendait au tout début de l'émission, mais d'autres, Miro, Picasso, Max Ernst. Alors que c'est d'abord et avant tout le surréalisme, un mouvement littéraire. Extrait d'une entrevue là-dessus d'un des fondateurs du surréalisme, Philippe Soupeau, entrevue accordée en 1975, et qui parle justement de la place des peintres, de la façon dont les peintres vont se reconnaître dans ce qui est au départ un mouvement littéraire, le surréalisme. Effectivement, le début du surréalisme, ça a été dans le domaine poétique. Seulement, les peintres surréalistes ont été tout de même fascinés par la poésie. Ils ont compris que nous leur apportions un domaine qu'ils n'avaient pas encore exploré. Il faut bien penser que les peintres de cette époque, c'est-à-dire de 1920, étaient tout de même très dominés par l'expérience des cubistes. Et que le cubisme était une sorte de tyrannie, avec Braque, avec Picasso, avec Juan Gris, avec Quirico, étaient tout de même des gens qui avaient une sorte de crainte du cubisme. Et le surréalisme les a délivrés, et ça a été, comme pour les poètes, une libération. Alors, Patrice Loubier, que représentera le surréalisme pour ces peintres qui viennent, qui s'y sentent attirés? Et que représenteront-ils, ces artistes mm-hmm. visuels, pour le surréalisme? Ben, comme Soupeau le disait, hein, il y a vraiment cette idée de se déprendre, au fond, d'un certain carcan, qui est par exemple le cubisme. Et dans ce sens-là, le surréalisme en art n'a pas de style. Il y a des styles, il y a une pluralité. Le surréalisme en art, la production artistique du surréalisme, en fait, elle est extrêmement diverse. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que les artistes, au début des années 20, qui sont progressivement allés vers le surréalisme, qui ont fréquenté ces poètes, Soupeau, Breton, Aragon et compagnie, ont pu par là... aller vers toutes sortes d'expérimentations techniques. Le surréalisme... Un esprit de liberté un plus esprit grand, de liberté, présent chez poètes d'abord, oui, oui. mais où ils ont vu une clé pour leur art à eux, l'art visuel. Oui, c'est ça. Et cette clé-là, elle passe entre autres par, d'une part, par l'écriture automatique. Donc, oui. au fond, comment adapter en art, dans la peinture, mm-hmm. dans le dessin, cette technique-là qui nous vient des poètes, donc de cette écriture qui elle-même vient de la psychanalyse, hein, c'est la technique de l'association libre. Donc, au lieu que ce soit le patient de Freud sur le divan qui est allongé, qui parle à voix haute, ce sera le poète qui écrira en tentant de suivre donc le fil comme ça de l'inconscient qui, mmh. qui se révèle. Alors, le défi pour les artistes, c'est évidemment que le maniement de la pinceau ne va pas aussi vite que le tracé des mots, mm-hmm. hein, ou que la parole, donc. Et l'époque, la ville, ils arrivent. Soupeau le dit bien, hein, ils arrivent à Paris, ils arrivent dans ce Paris. J'ai l'impression que, de la même manière qu'un peu plus tard, il y aura ce foyer d'existentialisme, cette vie mm-hmm. existentialiste autour de Saint-Germain-des-Prés. On est là-dedans, à ce moment-là, dans ce Paris, dans cette faune des surréalistes. À nouveau là-dessus, Philippe Soupeau qui parle, c'est intéressant, vous allez voir, de l'arrivée de Max Ernst à Paris. Et Max Ernst avait été aussi déjà un très actif propagateur du mouvement Dada. Et c'est d'ailleurs Tristan Tzara qui nous a mis en rapport avec Max Ernst. Mais à Cologne, Max Ernst avait été, si vous voulez, un des grands dadaïstes. Et puis quand il est venu à Paris, quand il a lu les Chants magnétiques, quand il a lu les poèmes d'Aragon et les poèmes d'Éluard, il y a eu une métamorphose. Et c'est très net que tout à coup, Max est devenu un homme qui a découvert un autre monde pour la peinture. On se rend compte combien le surréalisme a agi sur lui, le surréalisme poétique. Max est un homme qui lit. Ce n'est pas du tout un peintre qui est complètement bouché pour la littérature ou la poésie. Et Max, quand il est venu à Paris, tout à coup a découvert un autre monde. Ce sont les littéraires, les surréalistes qui font la loi à Paris ou qu'est-ce qui se passe donc pour qu'autant de... Il y a un phénomène, on le voit ça beaucoup, ils sont nombreux à adhérer au surréalisme à ce moment-là, Patrice Loubier. Ben, ils sont très nombreux et il y a d'une part tous ces artistes et littérateurs qui sont signataires du manifeste, en fait des manifestes du surréalisme, il y en aura au moins deux, mais il y a aussi toute une vaste constellation d'amis, de collègues, d'amateurs, dont on parle un peu moins, mais qui sont parfois quand même très connus, quelqu'un comme Georges Bataille, par exemple. On pourrait dire que la ville apparaît aussi comme un contexte de création artistique en tant que telle. La ville, c'est pas simplement le milieu humain. Ce sont tous les artistes, les écrivains qui sont à Paris. Paris est une capitale, est un centre du monde en art et en littérature à l'époque, bien mm-hmm. évidemment. Mais la ville, c'est aussi un théâtre en tant que telle. La ville, pensons par exemple à la photographie de Brassailles, Paris la nuit. Donc, les lieux familiers de la ville qui, la nuit, se chargent d'une poésie tout à fait impromptue, vers laquelle les surréalistes vont tendre, mm-hmm. hein, qu'ils vont cultiver en tant que tels. Dali, l'incontournable Dali, on y vient, on y revient. Quelle est sa place chez les surréalistes? Extrait de Dali d'abord, qui nous plonge dans son univers, dans ses obsessions. Certains objets insolites vous ont-ils déjà inspiré en tant que peintre? Toujours, puisque je suis fétichiste. Mm-hmm. Enfin, premièrement, je suis exhibitionniste. Mais secondement, le trait le plus marquant de ma vie psychopathologique, c'est le fétichisme. Et dans ma première enfance, j'étais hanté par des objets très caractéristiques, comme la béquille que vous connaissez, mm-hmm. comme les montres molles, qui étaient déjà une prophétie de la nouvelle conception du flexible du mmh. temps et de l'espace. Mmh. Et la dernière grande obsession, la plus glorieuse de toutes, la cosmogonie dalinienne, c'est la chou-fleur mmh. et surtout la corne de rhinocéros. Mmh. Puisque dans les deux se trouve le secret des courbes logarithmiques qui sont les vraies courbes de la résurrection. Et dont vous vous servez dans vos tableaux. Dans tous mes derniers œuvres. Cornes de rhinocéros, évidemment les montres molles que enfin, à peu près tout le monde connaît. Ça nous dit quoi, cet extrait de Dali? C'est en 1958, ce qu'on vient d'entendre, sur son univers, sur l'inconscient qui fait partie du surréalisme, sur les fantasmes. Enfin, ça nous dit quoi sur lui, sur le surréalisme? Ça nous dit une foule de choses. D'abord, ça nous révèle, en fait, quelque chose qu'on va trouver chez plusieurs autres surréalistes, c'est l'exacerbation de la sensibilité, mais qui est poussée à un comble chez Dali. Hein? Et qui fait en sorte que Dali se cultive aussi, hein, comme personnage mm-hmm. en tant que tel. On pourrait dire que peut-être l'œuvre majeure ou la création majeure de Dalí, c'est Dalí en tant que tel. Dalí est très moderne. On parle beaucoup des gens aujourd'hui, à l'heure des médias sociaux, qui sont des marques, qui sont eux-mêmes des marques. Oui. Dalí, c'est une marque. Tout à fait. Dalí, en fait, il anticipe ce qu'on va appeler dans les années 70, chez beaucoup d'artistes contemporains de cette époque-là, les mythologies personnelles, c'est-à-dire des artistes qui ne se contentent pas de créer des œuvres, mais qui créent un univers en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils s'approprient des objets, la montre molle ou le fromage camembert chez Dalí, pour leur attribuer une signification absolument personnelle, qui va parfois à l'encontre de toute rationalité, qui est absolument, absolument inédite, mais qui, à partir d'eux, devient en quelque sorte inoubliable, qui fait date à partir d'eux. Les obsessions de Dalí contribuent donc à élaborer une véritable mythologie personnelle et, par voie de conséquence, à permettre à Dalí, au fond, de créer un véritable... savoir syncrétique, auquel on adhère ou pas, bien évidemment. Il y a quelque chose de l'ordre de la pirouette, bien sûr, là, chez l'excentricité chez Dalí. Et est-ce que cette pirouette et cette excentricité sont véritablement du surréalisme? On y revient dans un instant, mais un élément de réponse d'abord de Philippe Soupeau, qui n'est pas le plus grand partisan de Dalí. Puis, enfin, il faut bien parler d'un homme, et je le regrette, un homme qui a fait son apparition à Paris quelque temps après le début du surréalisme, c'est un homme que je méprise profondément, qui s'appelle Dalí. Dalí est un homme que, je crois, est un grand dessinateur. Ce n'est pas un grand peintre. C'est ce qu'il dit lui-même. J'ai été le voir un jour, il m'a dit « Je suis un mauvais peintre, je suis un peintre médiocre, je suis le meilleur de mon époque ». Oui, mais enfin, ça... Je suis un peintre médiocre. Mais surtout, ce qu'il y a de révoltant chez Dalí, il s'est servi du surréalisme plutôt qu'il ne l'a servi. Cependant, il faut reconnaître qu'il a eu une influence sur les peintres surréalistes. Il est certain qu'à un moment donné, il a eu une influence. C'est regrettable, mais enfin, c'est un fait. Alors, Patrice Loubier, une question toute simple. Vous venez d'entendre Philippe Soupeau. On reviendra sur le fond de ce qu'il nous dit, mais pourquoi tant de haine? c'est une époque, c'est une avant-garde où on prétend connaître une certaine vérité en tant que telle. On adhère à des principes et on ne peut pas en déroger en tant que telle. Et c'est au nom d'un certain nombre de ces principes-là, évidemment, que Soupeau se permet de dire qu'il méprise Dalí. Donc, et son argument porte. Et sur le fond des choses, a-t-il raison? C'est une phrase très forte quand il dit « Dalí s'est servi du surréalisme plus qu'il n'a servi le surréalisme ». On pourrait peut-être nuancer, on pourrait dire que oui, il a raison, mais en nuançant cette condamnation-là. D'abord en disant, et Soupeau lui-même le dit, c'est qu'à partir de 1928, quand il arrive dans le mouvement surréaliste, jusqu'au début des années 30, Dalí est un formidable inventeur qui va véritablement apporter quelque chose de nouveau. Alors, d'un côté, oui, Dalí contribue au surréalisme, mais d'un autre côté, à partir du milieu des années 30, avec ses fresques, on se rend compte qu'avec une très grande intelligence, Dalí exploite au fond des façons de faire, des tics du surréalisme. En fait, il montre comment le surréalisme est déjà en train, au fond, de se figer d'une certaine manière dans un certain nombre de stéréotypes. Et il va se servir de ça, au fond, pour justement en faire un peu la matière de son personnage. Comment est-il perçu chez les surréalistes avec ces frasques-là? On en écoute une, puis vous répondez à cette question. Comment il est perçu? Comment ce qu'on entend à l'instant est perçu par les autres surréalistes? On a publié un livre, M. Dalí, sur vos moustaches, dont vous semblez très fier. Est-ce que vous leur accordez beaucoup d'importance? Au début, je accordais très peu, parce que je commence toujours à dire des choses sans y croire trop. Ça m'est arrivé au début de mon adolescence où je disais que j'étais un génie sans y croire du tout, mais tout en jouant à être un génie, je l'ai devenu. Alors pour les moustaches, j'ai commencé à raconter que c'était des antennes, que c'était très important, que mes idées passaient à travers mes moustaches. Et soudainement, j'ai trouvé des textes du Moyen-Âge qui prouvent que réellement les moustaches et aussi les sourcils très touffus sont des éléments conducteurs qui vont directement au cerveau. Et Platon avait des très longs, Leonardo da Vinci aussi. Et... Alors, Patrice Loubier, comment les surréalistes perçoivent-ils les moustaches de Dali? Quelle question, en fait. Dali, en fait, il fait du jeu et de l'exploration qui est à la source du surréalisme. Il en fait quelque chose de sérieux, c'est-à-dire qu'il en fait une exploitation stratégique en tant que telle. Justement pour mousser son propre personnage dans ce sens-là. Et il y aura un épisode quand même assez révélateur, encore une fois au milieu des années 30, où Dali fait part de sa fascination pour Hitler. Et là, je dois m'expliquer, c'est pas une fascination pour le programme politique de Hitler ou pour Hitler lui-même, mais Hitler est prétexte à une espèce de fabulation délirante de Dali, comme le fromage camembert. Et là, évidemment, les surréalistes ne peuvent pas tolérer ça. On peut s'inspirer des objets qui nous entourent, la montre, oui. La liquéfier, mais lorsqu'on se hasarde comme ça à aller du côté, au fond, du fascisme, ben là, ça devient vraiment, ça devient périlleux, quoi. La révolution, aussi surréaliste puisse-t-elle être, a ses limites. Oui, absolument, elle a son cadre dans ce sens-là. Un tout petit mot sur... l'impact qu'aura ce mouvement ici? Ben, il est considérable, cet impact. Pensons simplement qu'en 1942, la première exposition automatiste de Bordua, la première fois où Bordua montre au public ses peintures automatistes, il les intitule encore « œuvres surréalistes ». Donc, l'automatisme s'invente comme méthode au début des années 40, mais il ne porte pas encore ce nom-là. Alors, il y a un impact absolument considérable ici avec ce groupe des automatismes qui est en train de se former en 42 autour de Bordua, qui va mener, bien sûr, au refus global en 1948. Mais vous voyez que le surréalisme, de cette façon-là, se réinvente. Il devient autre chose en tant que tel. Bordua et les automatistes vont se revendiquer d'une influence surréaliste, mais ils n'y adhéreront pas en tant que tel. Patrice Loubier, historien de l'art à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste du mouvement surréaliste, merci infiniment. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Caroline Morin à la recherche, recherche d'archives Mario Bolduc, Pierre Dulon à la technique, Mathieu Beauchamp à la réalisation, Jacques Beauchamp à l'animation.